Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème, et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse « Mes voisins, les migrants », une série de Raphaël Kraft réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a ces familles sidérées qui dorment dans les rues et l'envie de voir ce que ces itinéraires et ces installations provisoires changent dans nos vies. Et enfin, Calais, devenue étape des migrations jusqu'à devenir une part de l'identité de la ville. Alors pour commencer, les personnages. Un facteur d'instruments, un camionneur, un géographe, une musicienne et sa sœur, une journaliste et ses filles, des riverains à bout et des migrants invisibles. Ensuite, le décor. Un tunnel sous la Manche, Sangatte, la fin du rideau de fer, l'Angleterre en face, des squats, la jungle, des barbelés, des bois rasés, une région sinistrée et un peu la mafia. Aujourd'hui, deuxième épisode, on cherche un vrai Calaisien. Raphaël, il cherche à rencontrer des Calaisiens, des vrais Calaisiens. Ah ouais, un vrai, ouais, ça, je suis natif de Blériot, moi, mais. De Blériot, ouais. Mais j'ai habité Calais toute ma vie. Je parle pas de Calaisien. Moi non plus. Ouais, Jean-Marc, il parle de Calaisien, lui. Je le comprends un peu, mais j'ai du mal, j'essaye des fois, mais j'y arrive pas. C'est bon, fastoche. Il faut avoir le verbe. C'est lourd, quand même, le Calaisien. Ouais. Bâtard. Ouais, bâtard. Gros bâtard. Bâtard, ouais, ouais. Kosovar. Aussi. Ça, ouais. Kosovar. Ouais, ils disent pas érythréen. C'est plus simple. Voilà. Où est-ce qu'on se trouve, là, Patrice ? C'est à l'atelier de facteurs, de réparateurs d'instruments à vent. Facteurs d'instruments à vent, diplômé d'État. Ça s'appelle comment ? La trompe de Stache ? La trompe de Stache, oui. Pourquoi ? De Stache de Saint-Pierre. C'est Eustache de Saint-Pierre, c'est celui qui donne les clés au roi d'Angleterre en 1350, suite au siège de la ville par les Anglais. La trompe, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de trompette. La trompette à piston apparaît au 19e siècle. Donc, la trompe de Stache... de Saint-Pierre. C'est pas un peu... il est considéré comme un traître, ce... C'est un traître. C'est-à-dire, c'est une grande polémique. C'est que c'est lui qui remet les clés au roi d'Angleterre et 15 jours après, le roi d'Angleterre le fait gérant de la ville de Calais. Bon, on travaille toujours pour les Anglais. Ça, c'est... Voilà. Et tu joues, toi-même ? Je suis un très mauvais musicien. Mais j'ai un trombone à piston, j'ai un coulisse, je joue du trombone à coulisse. Et je vais vous interpréter l'hymne national anglais, enfin ce qui m'en reste. Calais, d'un mur l'autre. Un documentaire de Raphaël Kraft et Guillaume Baldi. J'attends toujours le coup de fil du camionneur. Je permets, moi j'en ai un coup de fil à passer. Vas-y. Allez. Tiens, attends, avant de passer ton coup de fil. Ouais. Allô ? Ouais, je m'en vais de Wormhout et je prends le tunnel. Ouais. Donc je suis là dans 3 quarts d'heure. Bah, le rendez-vous, ce serait bien à la station Total, service fret. Il faut prendre la direction, le tunnel sous la Manche, fret, et à l'entrée au rond-point... Il y a une entrée Grande-Bretagne, c'est marqué. Mais il faut prendre le parking, en fait. Et moi, je suis là dans 3 quarts d'heure. Donc, ok. Donc, moi, on y sera à 11h30, ça. Et on t'attend. Ouais. Bon, à tout à l'heure. Bon courage. Ouais. Bon, bah, on va y aller. Déjà ? Allô ? Camille Guenbaud, vous êtes l'auteur d'une thèse de géographie que vous avez faite de 2010 à 2015, intitulée « Dans la frontière, migrants et lutte des places dans la ville de Calais ». Qu'est-ce que ça veut dire « dans la frontière » ? Dans la frontière, c'est un terme que j'ai choisi parce que ça venait d'une rencontre avec une amie qui m'avait fait le récit de son parcours migratoire jusqu'aux États-Unis et au Québec, et qui avait utilisé cette expression au début pour raconter la période entre le moment de la traversée et le moment de se sentir vraiment accueilli, arrivé sur le territoire et pouvoir commencer sa vie, commencer à réétudier, etc., et à se réinstaller. Et en fait, moi, tout ce que j'observais à Calais, c'était une situation où, en fait, les personnes ne sont jamais accueillies et restent tout le temps dans le suspens de cet accueil potentiel dans les pays européens. Des personnes qui ont tenté de vivre en Italie, en France, et qui là tentent après plusieurs années l'Angleterre, parce que n'ayant jamais réussi à obtenir des papiers en raison des politiques migratoires restrictives, et donc tentent à nouveau de passer vers l'Angleterre. Et du coup, cette idée de dans la frontière, je le trouvais intéressant aussi pour interroger un petit peu cette épaisseur du moment du passage, qu'on a l'impression c'est juste passer une ligne, passer une frontière. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est la possibilité de construire sa vie, d'être arrivé quelque part. Et je trouvais le terme intéressant pour parler de ce qui se passe dans ce moment-là, qui s'étend de plus en plus avec la restriction des possibilités de venir en Europe. La présence dans la frontière à Calais, elle est particulièrement vraie, elle est particulièrement prégnante. Oui, tout à fait, parce que c'est une situation où il y a énormément de jeux d'acteurs et d'échelles qui s'enchevêtrent dans une même ville, c'est-à-dire que c'est une ville à la fois où il y a la matérialisation des contrôles frontaliers entre la France et l'Angleterre, qui est aussi la frontière de l'espace Schengen. Et puis, il y a également tout un tas d'enjeux locaux avec la municipalité, les commerçants, les habitants, des collectifs de riverains, des associations et des personnes migrantes qui se retrouvent autour de luttes et de conflits, autour de la place accordée ou pas aux personnes migrantes dans la ville. Donc, il y a vraiment cette prégnance d'une situation qui englobe beaucoup d'acteurs et beaucoup d'échelles, et qui fabrique particulièrement cette condition migrante, qui est une condition de suspens, de ne pas pouvoir être encore arrivé du fait de l'enchevêtrement de ces restrictions. Sans compter de la tintin sur le tunnel, quand on a qu'on va marcher sur le tunnel. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. On est où? Là, on est face à l'Angleterre. On est face à l'Angleterre. Là, on est face à l'Angleterre. Mais je leur en veux. Hein. Je leur en veux. Bon, mais de nous quitter comme ça, le Brexit, c'est terrible. En même temps, le Brexit, c'est bon pour le duty-free de Calais, non? Ouais, ça va retourner, ouais, on va recommencer, comme je le dis. On va pouvoir recommencer à trafiquer. Les clopes, tout, le pinard, l'alcool, un port, en vrai. Mais ça nous dit pas où on est, Patrice. Ici, on est à Sangat. On est à Sangat, où tout a commencé. Et quand est-ce que tu es arrivé à Calais, toi, Patrice? Mais en fait, je suis arrivé ici après, quand j'ai connu Anne, en 83. Comment tu as découvert Calais? Comment t'as apprécié la ville quand t'es arrivé en 83? Mais j'ai eu peur. C'est un pays où le mec il te dit tranquille, où les gamins te disent on a arroqué le ballon. T'es un fieu, t'as un bon fieu toi. Je commençais à avoir la trouille. Et punaise, où suis-je arrivé? Je suis dans les mains. Et c'est finalement, Julia, la fille aînée, naît en 1990, Louise... En 92. En 92. Adèle en 94, et Zoé en 96. Je crée une petite boutique, et puis voilà. La tradition dit que dans la famille, vous étiez à Berlin au moment de la chute du mur. Au moment où ils cassent le mur. Alors, la chute du mur est concomitante avec... La naissance de Julia, ouais. Et comme ça, ils avaient... Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais vas-y quand même. Parce que comme ils avaient fait un gros trou dans le mur, Anne s'est mise dans le mur avec son ventre proéminent, et il y a une photo de Julia qui est incluse dans le mur de Berlin. C'est con. Julia Druel qui pige notamment pour le journal Le Monde. Ouais, et puis pour le Figaro aussi. Pour le Courrier des Balkans, pour des journaux suisses, faut bien gagner sa croûte. Non, ce que je veux dire, c'est que l'apparition des premiers migrants réfugiés, elle intervient alors. On la date à 1986, ah ouais, mais ouais. La mémoire se souvient de personnes d'Allemagne d'Europe centrale. En 89. D'Europe de l'Est qui arrivent à Calais à ce moment-là. En 89. Ouais. Ouais, tu t'en souviens, toi ? Je me rappelle plus vraiment de ça. Moi, je me rappelle de la vague de 99, 2000. Ouais. Ouais. C'est les Kosovars qui arrivent. Voilà, il y en a un paquet, un gros paquet. Et là, ils sont bloqués à la frontière et ils traînent en ville. Puis ils savent pas quoi en foutre. Alors c'est là où ils ouvrent sans gâte. Donc à deux pas d'ici. Là. Voilà, là il y avait le. Parce que quand ils ont commencé à creuser le tunnel, ils ont construit un énorme hangar et ils ont creusé en dessous et ils ont rentré des tunneliers ici à Sangatte. Ils en ont rentré 6, 3 qui creusaient vers la gare, hein, et 3 qui partaient sous la Manche vers l'Angleterre. Alors donc ils avaient construit un énorme hangar qui était un des plus grands d'Europe. Et puis ils s'en foutaient rien, quoi. Et donc ils ont pris les Kosovars et ils ont dit allez dans le hangar. Des Kosovars, des Iraniens, des Afghans, des Irakiens. Tout, il y avait de tout. Bah, non, alors après, moi là où ça m'a vraiment frappé, c'est quand Julia, elle allait donner à manger, enfin elle participait. Julia, donc ta fille aînée. Ma fille, mais là elle avait 16 ans, tu vois. Donc à partir de 2006. Ouais. Puis le soir, elle rentre en pleurant, tu vois. Puis elle met ses mains, parce que c'est l'hiver, sur le radiateur, et puis en pleurant, et puis voilà. Et puis moi, je dis rien, ma pauvre fille à table. Puis voilà. Elle est en train de se faire une conscience politique, mais en même temps, c'est dur, quoi, pour les mecs. On les accueille pas, ils viennent à la maison. Je sais pas, moi, Anne, elle voit des femmes qui sont sur le bord de la route, qui sont en train de lever leur linge dans une gamelle. Elle s'arrête, elle prend le linge, elle dit « Mettez ça dans la bagnole, je vous lave et je reviens demain, quoi. » Alors le lendemain, elles viennent, et puis « Ah, merci, elle reprend un paquet de linge, elle recommence. » Et puis voilà, et puis bah... On les accueille pas, on vit avec, quoi. On vit ensemble. Mais moi, je te dis, qu'ils accueillent. Il y en a, ils restent à la maison, t'as des gamins, il fait nuit, il pleut, tu vas les foutre dehors. Non, bon, ils dorment là, voilà. C'est un fond d'humanité. Je pense que c'est ça, le truc de la ville de Calais. T'as un fond de gens, c'est une humanité. Je suppose que vous avez nous rencontrer des gens comme ça dans le coin. Louise, la petite sœur de Julia, à 14 ans, donc en 2006, quand Julia va distribuer la nourriture pour la première fois... Ouais, elle me fait chier, ouais. Elle est chiante. Elle continue. Elle gueule. Quand est-ce qu'elle s'y met, celle-là? Pour me faire chier. Elle a compris. Donc, elle voit sa sœur qui fait des trucs, et puis elle commence à fréquenter les squats, elle rencontre la misère du monde, elle rencontre ça, elle rencontre des gars qui sont d'une gentillesse, qui sont d'une beauté extraordinaire, voilà. Et là, ça commence à prendre corps, parce que elle commence à peindre, tu vois, dans les squats, à décorer les squats, à faire des images, à projeter, à faire ce qu'elle sait faire, quoi. Puis elle le fait bien, en plus. Puis à faire de la musique avec eux, ils ont... Alors là... Puis ils me disent pas tout. Hein. Puis moi, je pose pas de truc. Je pose pas de questions. Ouais, parce que le jour où tu vas te faire serrer, t'es du genre à parler, quoi, en plus. C'est pas besoin de me torturer. Ouais, un sous-boc et un demi, ça suffit. Mais oui, monsieur le commissaire. Ma chaîne, Vitalie, quelle robe. Ma chaîne, Vitalie, quelle robe. Ma chaîne, Raza Bouyana Smalgina, ma chaîne. Ma chaîne. Louise Druel, dite Lou Blaster, fille de Anne de Kester et Patrice Druel. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Bon, on habite pas très loin. Là, on est près du squat, l'ancien squat Galou. C'est quoi ça ? C'était un ancien lieu industriel qui a été squatté en l'été 2014 jusque 2015, juste avant en fait la Grande Jungle. Donc c'était un lieu de vie pour les exilés pendant une petite année quoi. Et on est pas juste à côté d'un lycée. Et ouais, on est à 10 minutes de chez nous. Ça avait été ouvert à la suite d'une grosse manifestation qu'il y avait eu. Une belle manif. Et puis bah il y a eu pas mal de monde qui habitait là et moi je venais aussi avec mes sœurs et puis des amis souvent. On venait voir les gens. Comment ça va et faire des trucs ici. Et ouais, c'était un lieu qu'on a fréquenté quoi, et qui était en centre-ville. Bah, moi, c'était vraiment ma rencontre avec les gens à Calais quoi. Enfin, ça a changé beaucoup de choses quoi. C'était la rencontre avec une culture, toutes les chansons traditionnelles et que j'ai écoutées du coup, mais jouées par des gens que j'avais rencontrés quoi. Et donc ouais, c'était. Et peut-être que ça marque aussi la fin d'une époque, parce qu'à Calais, ces 30 dernières années sont divisées un peu en époques. Ouais. Il y a le temps du tunnel, le temps des cossos, le ouais. temps de Sangatte, le temps des squats ouais. et le temps de la jungle. Ouais. Et ouais. ça, c'est juste avant la fin du temps ouais, des squats pour passer au temps de la jungle. Ouais. Mais ouais, c'est pareil, ce moment-là où les gens du coup, sont partis vraiment de la ville, ça a été aussi... ou en tout cas les lieux de vie étaient plus en centre-ville qu'il n'y en avait plus. Enfin, pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui venaient ici, qui étaient des habitants de la ville en fait, et qui après c'était plus compliqué parce que la jungle est beaucoup plus loin. Et la fin du temps des squats pour passer au temps de la jungle, est-ce que ça marque aussi la fin du mélange, des échanges entre les Calaisiens et les exilés ? La différence, elle est plus marquée avec la fin de la jungle, où du coup les gens n'ont plus des lieux où ils habitent vraiment longtemps. Et du coup les gens on les perd en fait, on perd leurs traces. Parce que même quand on les voit et puis qu'on échange nos numéros... Ils restent pas sur les mêmes lieux, ils bougent. C'est plus comme ce temps des squats et ce temps de la jungle où non, on a le temps d'habiter, le temps de faire des choses, le temps de faire d'être pas juste dans l'urgence de vivre et du passage quoi. Parce qu'aujourd'hui, faut pouvoir garder sa tente, faut pouvoir. Ils cuisinent pas quoi. Ici, les gens cuisinaient à la jungle, les gens cuisinaient. C'est ça vraiment la grosse différence en fait. C'est comment. Les gens, maintenant, ils peuvent plus offrir l'hospitalité, en fait. Et c'est ce qu'avant, à la jungle et dans les squats, ils t'ouvrent leurs portes, même s'ils sont dans des conditions toutes pourries, et t'as un coin pour t'asseoir, et c'est eux qui te font le thé, quoi, tu vois. Du coup, c'est la grosse différence. On ne voit plus rien de la présence des migrants ici, sinon ceux qui se sont installés définitivement à Calais. Il n'y a pas de lieu de mémoire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tag, il n'y a pas de fresques. Les fresques, elles sont cachées par des grands murs. La jungle, on ne peut plus y aller. Elle a été nettoyée. Tout va bien. Tout va bien ? C'est tranquille. On n'en parle pas. Il ne faut pas en parler. Ça n'existe pas. Les gens, ils n'existent pas. Pourquoi ? Ils n'ont rien compris, en fait. Pour eux, c'est vraiment... C'est honteux, c'est sale, les gens ils sont. Pour la mère, ils dégradent l'image de Calais, mais ce qui dégrade le plus l'image de Calais, c'est ces barbelés quoi. C'est le premier truc que tu vois dans la ville et c'est la seule chose que tu vois vraiment de cette ville. Sinon, à part ça, tu vois rien, tu vois. Alors, le terme lutte des places, il est emprunté à un géographe français qui s'appelle Michel Lusseau, mais je reprends aussi surtout la notion de place des géographes anglais. Parce que je l'aime bien cette notion parce qu'elle est très proche d'expressions courantes et elle est utilisée pour décrire à la fois une dimension spatiale et sociale de la répression. C'est-à-dire par exemple quand vous dites à chacun sa place ou chaque chose à sa place ou enfin toutes ces expressions de la langue courante, elle parle pas que de position sociale et elle parle pas que de position spatiale. Elle parle des deux à la fois. Remettre quelqu'un à sa place, ça peut être tout aussi bien une histoire de ordre et hiérarchie sociale, remettre quelqu'un à sa place sociale dans la hiérarchie sociale qui existe dans la société, que de la remettre à sa place aussi spatialement vis-à-vis des normes en vigueur. Et du coup, cette question de place à Calais, elle est particulièrement intéressante parce que c'est à la fois renvoyer à la place et à la condition de migrante en tant que place sociale au niveau juridique, en termes de droit, etc., mais également spatialement. Et spatialement, dans la ville, par exemple, ça s'explore de plein de façons différentes, mais à Calais, par exemple, si on prend l'exemple des espaces publics, mettons, il y a comme ça toute une série d'éléments qui vont des accords franco-britanniques qui ont été signés au fil et à mesure des années et qui en 2014 spécifient bien que les personnes migrantes ne doivent pas pouvoir se rassembler dans ou autour de Calais. Donc il y a une action policière dans la ville pour appliquer ces accords et pour faire en sorte que les personnes migrantes n'aient pas accès au centre-ville. Mais il y a également des actions au niveau local de la municipalité de Calais depuis 2008, avec l'arrivée de la maire, maintenant qui est les Républicains, Natacha Bouchard, qui a beaucoup travaillé à limiter la présence des squats. Il y a eu aussi l'existence de collectifs de riverains qui ont travaillé à faire fermer des lieux humanitaires ou des squats dans la ville. Donc il y a tout un tas d'éléments qui, dans la ville, font que l'accès, par exemple, dans cet exemple-là, aux espaces publics, est restreint, limité pour les personnes qui sont identifiées comme migrantes. Donc en gros, comment l'espace peut devenir un instrument de pouvoir pour limiter la visibilité des personnes migrantes dans la ville. Donc après, nous, on va avancer. Alors ici, on est à l'entrée du Eurotunnel, le service fret. Donc c'est l'entrée, donc on vient de passer d'abord un premier contrôle comme un genre de radiographie. Ouais. Où tous les camions passent devant. On peut voir des formes à l'intérieur de Roger, du camion. Camionneur. Maintenant, c'est le contrôle de canin. On voit s'il y a des présences humaines à l'intérieur des camions. Ouais. Donc ici, je vais faire tamponner mes papiers pour voir si je suis bien passé au contrôle. Mmh. Ce qui veut dire, ça donne une sécurité au chauffeur si jamais il est contrôlé de l'autre côté avec les individus à l'intérieur. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle O5, c'est un stéthoscope. C'est-à-dire que on éteint le camion, on sort et on met des stéthoscopes comme un docteur. Donc il y a quelqu'un qui écoute s'il y a des battements de cœur à l'intérieur du camion. Mais là, c'est aléatoire. Alors après, on va se retrouver ce qu'on appelle les réservoirs. Donc c'est les files d'attente. Et là, c'est les chiens anglais qui vont rentrer en action. Alors il y a aussi un autre truc qu'il faut dire, c'est... Une fois que... Là, pour l'instant, on n'est toujours pas arrivé à Eurotunnel, en fait. Tu te souviens, toi, de François Mitterrand avec son casque de chantier qui visitait le... Je sais pas, t'avais le sentiment... Ce que moi, je trouve, c'est que c'était... À l'époque, Quand Tonton et Elisabeth II, la reine d'Angleterre, ont inauguré donc ce tunnel à bord d'une Rolls Royce et d'une Maserati... c'était vraiment un très très beau jouet, parce que, et c'est vrai que c'est un beau jouet, le tunnel sous la Manche, pour raccorder les deux plus grandes villes d'Europe, qui est Londres et Paris, et mais également cette route qui va de Londres à Berlin, comme disait Jacques Brel, c'est là où c'est vraiment le cœur de l'Europe. Et c'est vrai que... Il disait quoi exactement, Jacques Brel? Je sais plus... c'est quoi déjà cette chanson? C'est sur la bière? Non, il y a la bière de Londres à Berlin. Je viens de la trouver, la chanson de Brel. C'est plein d'Eulenspiegel et de ses cousins et d'arrière-cousins de Bruegel l'ancien. C'est plein de vent du Nord qui mord comme un chien, le porc qui dort, le ventre plein. Ça sent la bière, l'ombre à Berlin. Ça sent la bière. Je dis, c'est une chanson d'espoir. C'est vraiment le cœur de l'Europe, hein, ici. Anne de Kester, concubine de Patrice Bruel, mais... Ah, attends, il y a Rasta qui appelle. Rasta ? Raphaël ? Ouais. 15h, moi je sors, tu peux pas me rater. Je suis le plus chelou du magasin. J'ai des Rasta, des dreadlocks, j'ai des anneaux, j'ai des tatouages. Tu peux pas me rater, tu vas me voir sortir à 15h. Ok. Ok, à demain. T'embrasse. Voilà. Bye. Salut Rasta. Bye. Allez, ciao. C'est qui, Rasta ? C'est un gars que j'ai rencontré devant le squat des femmes dans la boulevard Victor Hugo. Il sortait tout ce qui était rebut, tout ce qui était pas utilisable ou revenu, etc. Il a sorti plein de bois, il en a acheté. On a mobilisé le maximum de monde pour acheter du bois, de la bâche. Et on faisait des choses en kit, quoi. Il avait fait son petit kit de cabane qui pouvait contenir 4 ou 5 personnes. Et tu te souviens de ces premiers Européens de l'Est, Européens d'Europe centrale qui arrivent ici ou... Ouais. J'avoue que c'est... Enfin, je savais que le problème était là, mais bon, j'ai eu des enfants un peu sur le tard et j'étais pas active, en fait. J'étais... Je compatissais, je comprenais le problème, mais j'en souffrais. Mais bon, j'ai rien fait de particulier. Je crois que la seule chose que j'ai faite, c'est donner des choses à Emmaüs ou pouvoir fournir en couverture quand j'en avais, des sacs de couchage, des choses comme ça. J'ai eu un peu de mal à m'engager quand même physiquement. Je les ai toujours défendus en expliquant au maximum autour de moi que c'était pas par choix qu'on en arrivait là, que... Mais là où je suis passée à l'action, c'est quand vraiment j'ai rendu visite dans les premiers squats, voir de près comment ça vivait là-dedans, quoi. Et c'était grâce à Louise, en fait. Ouais. C'est tes enfants, en fait, qui font le premier pas. Julia, elle était quand même tenace et hiver comme été, elle allait éplucher, distribuer. Elle n'y allait pas tout le temps, mais elle avait quand même quelques soirées par semaine où elle était fixe et elle était là, quoi. Toi, Anne, tu étais à Berlin au moment de la chute du mur ? Ouais, quand j'ai appris le 10 novembre 89, j'étais dans le train qui allait à Paris. Ça m'a complètement ébranlée, ouais. Je me suis dit, mais mince, c'est pas possible, enfin, ce mur est en train de tomber, bon, il y aura du changement, quoi. J'avais un frère qui était né en 61, en même temps que le mur, qui était à Berlin. On a pu assister à la démolition du mur en y allant en février 90. J'étais enceinte de Julia, de 6 mois déjà. Ouais. Pour moi, c'était un bruit assourdissant qu'on sentait même par la vibration, quoi, mais c'était... Pour moi, c'était une avancée vers quelque chose qui parle de liberté. Bon, ça n'a pas été si simple, je pense, mais pour moi, c'était un peu ça. C'était casser cette frontière, réouvrir les murs. Malheureusement, il y en a eu d'autres qui se sont construits chez nous, quoi. Chacun met sa barrière. Bon, ici, on est dans un jardin où on était au soleil jusqu'à 8h du soir. Et puis, on est encore au soleil pour l'instant, mais... On avait de l'ombre et puis bon, la voisine, elle a mis son parapet parce qu'elle aimait pas voir les noirs dans le jardin. Patrice nous a dit que c'était parce qu'elle s'était fait refaire les seins et qu'elle pouvait plus les montrer. C'est pas ça l'histoire de mélanger. Mais c'est grave, quoi. Tu vois, enfin, je repense aux barrières, mais il y a des barrières partout. T'es dans ton jardin, t'as du soleil jusqu'à 8h et puis en fait, tout d'un coup... T'en as plus que jusqu'à 6 heures, quoi. Mais avant que le soleil ne disparaisse derrière le cache-sein de la voisine, tu nous montrerais les barrières qui ont poussé ici ? Ouais, je te montrerai les barrières. Il y en a des kilomètres. Je crois qu'on détient le record. le record du mètre linéaire de barrière par habitant. Depuis la chute du mur de Berlin. Bah oui. Moi, je crois que ces barrières se sont construites sur deux, voire peut-être une troisième année maintenant, mais j'avoue que quand je les ai vus pousser, je me suis dit, mais c'est pas vrai, je vais pas m'habituer à vivre dans une cage, quoi. On a vraiment l'impression d'être en cage. C'est une opinion qui est partagée par beaucoup ici, ou c'est... Bah, je crois que si on sait pas pourquoi elles sont faites, ou bien même si on sait pourquoi elles sont faites, je crois qu'il y a la majeure partie des gens qui s'estiment être mieux protégés par ces barrières, en fait. Alors qu'elles sont pas censées les protéger. Bah, elles sont pas censées les protéger. Mais je crois que, enfin... Ça induit l'idée que forcément les gens qui se déplacent, ils sont plus visibles parce qu'ils peuvent pas traverser les champs, ils peuvent pas arriver sur derrière des bosquets, donc forcément ils sont sur des voies qui sont faites pour être empruntées, en fait. Ils nous forcent à nous canaliser, quoi. Pour empêcher les gens de se cacher, on rase les bois aussi, c'est ça? Ouais. Il y a des endroits où ils ont, autour de la Cité Europe principalement, ils ont complètement... Ça, c'est l'entrée du tunnel. Donc là, hyper fortifié. Ça, c'est nouveau. Je crois que c'est les dernières barrières qu'on a vu poser. Elles n'étaient pas là. Elles allaient jusqu'au bord de l'entrée du tunnel, mais pas au-delà. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ils vont y faire. Ils vont forcément faire quelque chose. Qui sait quand est-ce qu'on va passer ce chalet? Qui sait quand est-ce qu'on va le percer ce tunnel? N'oublions jamais que la France et l'Angleterre, entre elles, y a qu'un tout petit bras de mer. En sautant dans un taxi, on lui dira Piccadilly. En termes de visibilité et de signal envoyé à la fois aux personnes migrantes de « vous n'êtes pas les bienvenus » et de signal envoyé aux citoyens français « regardez ce que l'État met en place et comment l'État a encore un pouvoir de contrôle de l'immigration », là c'est très fort. Ce qu'on constate également, c'est que cette visibilité de la frontière, ou ce spectacle de la frontière, il a tendance à s'étendre lorsqu'on est sur l'autoroute, déjà... plus de 100, 150 km de Calais. On voit toutes ces aires d'autoroute qui sont fermées pour empêcher les possibilités pour les migrants de monter dans les camions. On voit des panneaux interdits aux piétons sur l'autoroute que l'on ne voit pas ailleurs en France. Et l'on voit surtout la même stratégie qui est appliquée ici à Paris, puisque beaucoup de gens qui sont dans les camps ici à Paris, eh bien, ce sont des gens qui sont en transit pour Calais ou qui sont en moment de répit pour Calais. Et qu'il y a la même stratégie de vouloir les exclure de l'espace public, ou en tous les cas du centre-ville, et de les rendre invisibles. En fait, ce que vous dites, ça pose une question intéressante qui est, en fait, où est la frontière? Et souvent, dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que la frontière, c'est une espèce de ligne entre deux pays, là, dans la Manche, à équidistance des côtes. En fait, la frontière est là où se matérialisent les contrôles. Et les contrôles sur la côte, ils se matérialisent par exemple à Calais, sur le port et sur le site du tunnel, mais aussi dans toute la ville, partout où il y a des interpellations policières. Et aussi, ils se manifestent en amont et en aval. La frontière se dissémine dans des endroits qu'on ne connaissait pas. Par exemple, la question des aires d'autoroute, puisque les chauffeurs routiers se sont vus... déléguer une part du contrôle policier, eh bien, ce sont eux-mêmes sur les aires d'autoroute qui ouvrent leurs camions pour voir s'il n'y a pas des personnes migrantes à l'intérieur. Et du coup, ces questions d'interaction et de contrôle frontalier se jouent bien en amont de Calais, sur toutes les aires d'autoroute qui mènent dans la ville de Calais. Elles se jouent aussi sur les bateaux. En fait, dans les bateaux, les agents du service du pont, dont le rôle était de faire la sécurité sur les navires, donc la sécurité sur un navire, c'est surtout en termes incendie, ou d'accueil et d'accompagnement des passagers, n'ont plus le temps de mettre en œuvre ce travail-là, parce qu'ils se sont vus maintenant confier une mission de sûreté, c'est-à-dire de recherche dans les ponts-garages s'ils n'entendent pas dans les camions des personnes migrantes, et ensuite de les confiner dans des cabines improvisées à bord où ils enferment les personnes et où ils les ramènent au port de Calais. Je Stéphane Van Custem, est-ce que vous pouvez nous décrire le port là tel qu'on le voit? Je vois des bateaux de plaisance passer. Sur le côté droit, vous avez ce qui est dédié au terminal Transmanche, hein, uniquement pour les cars ferries. Également tout ce qui est société de remorquage, société de la SNSM qui secourt des navires en perdition au large du port de Calais. Vous avez une partie aussi port de plaisance à côté du bassin ouest. Et ici on a un petit bassin pour les plaisanciers locaux et également pour les pêcheurs calaisiens qui sert à marée basse éventuellement de carénage ou de petits travaux sur leur bateau. Pendant longtemps, le port de Calais, la Chambre de commerce et d'industrie, qui est donc concessionnaire du port, a refusé de mettre en place une visibilité des contrôles extrêmement fortes aux alentours du port. C'était pour des raisons économiques et touristiques. Et de la même façon, ça a joué dans beaucoup de sites différents. Puis, la sécurité est devenue un argument commercial progressivement. Parce qu'il y a aussi la question de, en fait, pour les camionneurs qui vont traverser, pour toutes les entreprises qui vont traverser vers l'Angleterre, le Eurotunnel et le port de Calais mettent en avant des systèmes sécurisés qui permettent de passer de façon plus sécurisée que sur d'autres ports et donc avoir moins de chances que la marchandise soit endommagée, etc. Donc en fait, d'une contrainte que le port de Calais ne voulait pas, ça a été aussi retourné, et c'est pas que le cas du port de Calais, c'est le cas de beaucoup d'entreprises, retourné en termes d'arguments de sécurité et d'arguments de vente. Je travaille pour une compagnie maritime depuis 36 ans. Et je suis représentant du personnel, je précise sans étiquette, dans le collège cadre et maîtrise pour une compagnie de car ferry. Une des personnes que nous avons rencontrées ici à Calais nous disait « Calais, c'est un port qui ne sent pas la mer ». Qu'est-ce que ça vous évoque, ça ? Moi, je dirais plutôt le contraire. Calais, ça sent bien la mer, justement. À tous les niveaux, là, on est près du quai, donc on sent bien les effluves de maritime. Et non, Calais, c'est une ville maritime. Donc, pour moi, ça, je baigne dedans depuis mon adolescence. J'ai toujours travaillé au niveau du port de Calais. Et il y a toujours cette odeur de mer qui est présente le long du port et même dans toute la ville. Je veux dire, on le ressent à tous les niveaux. Peut-être voulait-il dire que par la force des choses, la construction de toutes ces clôtures, ces murs, etc., a mis le port un petit peu à l'écart de la ville. C'est pas une vérité, ça ? Oui, c'est vrai que les clôtures sont pas très belles à l'œil nu, mais bon, à un moment donné, ils nous ont sécurisés aussi, plus personnellement, par rapport à notre exploitation maritime, il a fallu se protéger aussi, sinon je pense que le port aurait été fermé, et c'était des pertes d'emplois de milliers de personnes qui étaient concernées, et de sous-traitants qui travaillent avec le port de Calais régulièrement. Alors, il y a quelques jours, j'ai débarqué juste là. Et c'est vrai qu'on descend du bateau, on aimerait aller boire une bière au bord de la mer. Et c'est presque un parcours du combattant pour en sortir. Après, c'est vrai que la sécurisation a fait que les sorties vers Calais sont très limitées. Et si les gens ne connaissent pas l'endroit où il faut sortir pour aller en centre-ville, ça devient très compliqué pour visiter la ville de Calais. En fait. Il était comment le port dans les années 80 ici ? Il n'était pas du tout à l'image qu'on peut rencontrer maintenant. Il y avait des pêcheurs de notre côté, les gens rentraient le dimanche avec la famille, il n'y avait pas de problème de sécurisation, il n'y avait pas ce souci qu'on a actuellement. La question des migrants à Calais commence au port, vous vous en souvenez ? La question des migrants, c'est une longue histoire. Hein. Donc, ça a commencé avant les années 2000. Hein. Les Calaisiens appelaient ça les Kosovars. Hein, parce que les Kosos. Les Kosos, ouais, c'est d'ailleurs les Calaisiens âgés, les migrants, ils les appellent encore les Kosovars, alors qu'il n'y en a plus. Hein. C'est d'autres nationalités. Mais c'est vrai que ça a commencé dans les années 95. Ça commence au port bien avant. Vous vous souvenez pas, après la chute du mur de Berlin, de l'occupation des terminaux de passagers par des ressortissants d'Europe centrale, d'Europe de l'Est ou... Ça arrivait que très rarement, je veux dire. Ça a quand même suscité beaucoup d'articles de presse, ouais, des arrêtés préfectoraux pour interdire tout ça. C'était déjà dans... Oui, déjà, c'était à l'époque, c'était comme ça, je veux dire. Mais bon, on est confronté à ce problème-là régulièrement et ça continuera dans les années à venir. En fait, la question à Calais, c'est moins qui sont les premiers à être passés que à quel moment ça a été mis comme problème sur l'agenda politique. C'est-à-dire à quel moment il y a eu une visibilité que des personnes passaient par Calais. Eh bien, à partir du moment où on a voulu contrôler. C'est-à-dire à partir du moment où le contrôle s'est fait plus présent, eh bien, il y a eu cette question de la présence de personnes qui n'arrivaient pas à traverser. Juste pour commencer, je rappellerai juste que il n'y a aucune frontière naturelle qui existe. C'est-à-dire que toutes les frontières sont construites, sont des construits politiques et sociaux. Et Calais, souvent on a cette impression un peu qu'il y a quelque chose de naturel. C'est-à-dire que c'est le point le plus proche de l'Angleterre, la frontière est fermée, des personnes migrantes qui veulent aller vers l'Angleterre sont là. Et il y a comme un nœud comme ça, quand bien même on sait que c'est pas naturel, il y a comme un nœud qui se joue et à force d'être visible médiatiquement, on finit par y croire, à cette forme de logique. Il y aurait une logique dans tout ça. Calais, point de passage logique, point le plus proche de l'Angleterre. Oui, mais dans les années 90, il y avait énormément de passages qui se faisaient par d'autres villes, notamment par Boulogne. Et en fait, au moment de l'ouverture du tunnel sous la Manche en 1994, toutes les compagnies de ferry ont décidé de rapatrier massivement les traversées sur Calais, ayant peur de la concurrence avec le tunnel et se disant que le rapatriement sur Calais permettrait d'éviter des pertes trop importantes. Donc il y a eu une fermeture et une concentration de la frontière sur Calais. Donc qui dit concentration de la frontière sur Calais, concentration également des possibilités de passage. Ou sinon, vous avez encore la place, que c'est pour un ami. Plus rien ? Si, mais j'en ai plus beaucoup. Enfin, pas très loin. Là, ça s'en fond. Puis j'en regarde. Ouais. Oh, bah, c'est bon. Merci, j'en ai. Je vais 6 mètres, mais... Allô ? Oui. Si je ne vois la personne, ah. Je suis pour les places de brocante. La brocante du quartier du Petit Quinquin, c'est vous qui l'organisez, c'est ça ? Ouais, ça fait 19 ans que je l'organise, ouais. Où est-ce qu'on se trouve, Laurent Roussel, là ? Au café au Cabestan, rue Moulin. Et vous me disiez, c'est la fin de mois, il n'y a pas beaucoup de clients. Oui, malheureusement, c'est dur, c'est-à-dire que, bon, c'est vrai que... Pour les retraités, on dirait. Ah, voilà, c'est retraité ici, ouais. Mais malheureusement, les retraités vont être touchés aussi par les décisions du gouvernement. Hein. C'est vrai que on vit une époque où ça devient très, très, très difficile. Comme tu dis, c'est dur. C'est dur. Vous êtes arrivé quand à Calais, Laurent? Moi, je suis arrivé j'ai ouvert donc mon commerce en avril 2000. Oui, mais avant, vous étiez où ? Je suis né à Calais. Vous êtes né à Calais, d'accord. Calais. En quelle année ? Ah, 1965. D'accord. 65. Bravo. Donc, vous aviez 29 ans à l'inauguration du tunnel sous la Manche. Vous vous en souvenez ? Oui, je m'en souviens très bien, puisque j'avais mon voisin qui travaillait justement au tunnel. Et ce sont des gens qui se sont permis à l'époque d'acheter des maisons. Ce sont des employés, des ouvriers qui, par le biais de le fait de travailler au tunnel, ils ont gagné leur vie. Et c'est vrai qu'à l'époque, les gens touchaient leur salaire, ils dépensaient dans les commerces, dans les sociétés. Et c'était on sentait pas trop le grand problème qui est arrivé après, qui était venu par le problème des migrants. Il y avait plus de 8000 migrants. Et on m'avait dit à l'époque, c'est impossible, il n'y en mais a pas autant. Restons sur le quartier du Petit Quinquin. Oui, oui, mais justement, c'est là le problème, c'est que ces 8000, ils étaient quasiment tous dans le Petit Quinquin. Parce que nous, le Petit Quinquin, on est situé entre l'ancienne jungle, le port, le passage pour aller à la sous-préfecture, où là, les gens demandaient la demande d'asile, et puis le centre-ville. Et nous, on était touchés par la présence des migrants. Et même moi, en tant que humain, en tant qu'homme de gauche, il y avait des situations où on était obligé de se mettre à la place de la population. C'était le ras-le-bol, parce que les gens qui étaient censés nous gouverner étaient incapables de gérer la situation. Les riverains en avaient marre. Je veux dire, le fait de voir toujours les migrants passer devant chez eux. C'est vrai qu'il y en avait dans quasiment dans toutes les rues, il y avait la présence de ces migrants qui quelque part était honnête, hein. Je veux dire, moi personnellement, en tant que commerçant et en tant qu'acteur du territoire, je n'ai jamais été embêté. Mais vous venez quand même d'appuyer par inadvertance sur l'ouverture de la porte du bar que vous avez certainement dû installer. Non, c'est l'ancien propriétaire qui à l'époque l'avait installé. Non, mais je veux dire, je vais vous dire deux choses. C'est-à-dire que la première, si ce soir je quitte mon café, je laisse mon café ouvert. Demain matin, je suis sûr de revenir. Il y aura du monde dans mon café. Mon café, il va être squatté, il va être vide. C'est comme si que on laisse un pays ouvert, aux frontières ouvertes, et tout le monde. Par contre, il faut savoir, par exemple, non seulement fermer certaines portes, tout en laissant la discussion ouverte. Donc vous êtes quand même en faveur d'un peu plus de fermeté sur cette question. C'est pas de la fermeté. C'est qu'à un moment, il faut savoir se mettre à la place de la population et se mettre à la place des migrants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les migrants qui quittent leur pays... Donc fermeté et humanité. Voilà. Voilà, c'est la fermeté et l'humanité. Je suis prêt, j'ai pu aider les migrants, et si aujourd'hui je pouvais aider les migrants, je le ferais encore. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. J'ai pu, à l'époque, au début des années 2014-2015, où j'ai reçu quasiment par jour plus de 200 migrants pour recharger leur portable, si c'était à refaire, je le referais. J'ai pas de honte parce que il faut être humain et c'était à refaire, je le ferai. Bonjour, excusez-moi, monsieur Macus, il m'envoie pour avoir de la monnaie, s'il vous plaît. Qui ? Monsieur Acus. Monsieur Acus ? Ah oui, Ouais. Qu'est-ce que vous voulez, la monnaie ? De la monnaie sur 50, s'il vous plaît. Okay, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Ouais, merci. Au revoir. Au revoir. Lorsqu'on interroge les Calaisiens, aujourd'hui, fin du printemps, début de l'été 2018, on a l'impression que tout cela, c'est du passé. Alors qu'il y a encore entre 500, 600, 700, voire 1500 migrants que l'on peut observer, enfin, qui sont invisibilisés, qu'on peut observer dans la banlieue de Calais notamment, c'est pas fini. Non, bien sûr, c'est pas fini. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que quand je parlais tout à l'heure un peu de mise en scène d'une frontière fermée avec le mur, qui n'est peut-être pas si fermée que ça, ou en tout cas que la question de la répression, on devrait la regarder aussi ailleurs que sur le mur, eh ben il y a une mise en scène d'une frontière fermée, mais il y a aussi une autre forme de mise en scène, c'est à Calais une mise en scène de frontière vide, qui s'est faite à plusieurs reprises. C'est le cas après le grand campement de Sangatte, 2002, Nicolas Sarkozy décide, le ministre de l'Intérieur décide la fermeture du lieu, en 3-4 jours, il est rasé, donc ce grand hangar est complètement rasé. On met en place des bus, et ce qu'on avait appelé les opérations Ulysse, pour emmener les personnes vers le sud du pays, dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, ou dans des hôtels, ou pour les faire quitter la région. Et on met en place une répression extrêmement forte avec beaucoup de compagnies de CRS pour empêcher toute réinstallation de campements dans la ville. Et du coup, il y a des discours politiques là-dessus qui disent voilà, le problème est résolu, c'est terminé, on a mis en place, il y a cette idée-là. Et donc en fait, c'est un grand moment de mise en scène du problème résolu. Quelques semaines après, les personnes migrantes sont de retour dans des conditions d'invisibilité beaucoup plus fortes parce qu'en fait, il y a une telle répression policière qu'elles se retrouvent en marge des villes et avec une visibilité bien moindre que quand il y avait le centre de Sangatte. Et c'est la même chose que l'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on voit les images qu'il y a eu dans la presse après la destruction du bidonville, on voit ces images extrêmement impressionnantes de campements rasés, avec cette véritable sensation que maintenant il n'y a plus personne, il n'y a plus de campement, c'est terminé. Et donc c'est très important de ne pas se laisser prendre par ces images de frontières fermées, de frontières vides, qui sont régulièrement mises en scène à Calais pour aller voir ce qui s'y passe vraiment. Et en fait, évidemment, qu'en fait les personnes restent là. Ça c'est très important de déconstruire et de dénouer ces images qu'on nous propose politiquement, médiatiquement. On a à 5 Rasta. On a fait 223 quand même. Après. Donc environ 9 mètres carrés à peu près. Donc avec une base de 6 ou 8 palettes au sol, 6 chevrons et de la bâche agricole qu'on achète dans les fermes. Après des capsules pour faire des clous. Et puis on a fait tout, on capitonnait en fait toute la cabane, une fenêtre qu'on récupérait dans les poubelles ici dans les cités autour. Donc on récupérait tout ce qui était bloc-porte, fenêtre, qu'on remontait directement sur place. Donc toutes ces cabanes, elles ont tenu le temps que la jungle a tenu. Quand est-ce que t'es arrivé à Calais, Rasta, ou à Marc, enfin en tous les cas dans le coin? Alors je suis né en 1977 et je suis resté à Calais jusque l'âge de mes 6 ans, donc 1983. Et on est arrivé avec mes parents à Marc en 1983. C'est où, Marc, par rapport à Calais? Alors, Marc, c'est frontalier de Calais. C'est une ville qui touche Calais, une ville frontalière, avec environ 10 000 habitants, et qui est directement dans l'axe principal du port et du tunnel sous la Manche. Donc, c'est aussi la dernière ville avant l'Angleterre, puisque c'est la dernière ville où on a des parcs de camions, où ils peuvent se parquer avant de prendre le ferry ou le tunnel. Donc, un point très, très stratégique pour tout ce qui est rotation de marchandises, de personnel, de... Voilà quoi. Et de migrants, évidemment, bien évidemment, puisque partout où il y a des parkings qui touchent la frontière, partout où il y a des migrants. Aujourd'hui, en juin 2018, rien n'a changé, puisque les gens sont toujours là. C'est pas, enfin Blondie, il dit, c'est pas en cassant le thermomètre qu'on fait baisser la température. C'est là, ce qu'on fait, c'est simplement déplacer le problème. Ce qu'on veut pas voir à Calais, c'est qu'on veut pas les voir. C'est tout. Du moment qu'on les voit pas, ça nous concerne pas. Si on les voit, il faut enlever les matelas, il faut enlever les duvets, il faut enlever les tentes, il faut pas que ça soit visible. Ça fait une mauvaise image pour la ville de Calais. La situation, moi, je vais pas exagérer, mais pour moi, personnellement, j'en suis convaincu, il y a au moins 1500 migrants à Calais. Au moins. Maintenant, le gros problème, c'est que, il y a eu, et ça a été prouvé, il y a eu des violences policières qui ont augmenté, il y a eu la police qui a pris des chaussures à quelques gars, il y a eu beaucoup de débordements des deux côtés. Mais moi j'en suis convaincu que certains migrants sont, par peur d'être persécutés, ben ils se cachent quoi, tout simplement. Donc ils sortent que la nuit pour essayer, et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup moins. Mais je pense que c'est pas qu'il y en a beaucoup moins, c'est qu'il y a beaucoup plus de jungle, mais à petite échelle. Une centaine ici, 150 là-bas, 120 par-ci. Tout ça mis bout à bout, on arrive à 1500. Calais, c'est coupé en secteurs. Chaque secteur appartient à chaque ethnie, chaque pays. Donc, il s'avère que autour du magasin dans lequel je travaille, c'est l'Érythrée. Tu dis Calais est divisé en secteurs par ethnie. Comment ça se passe? Alors, c'est compliqué parce que c'est géré par des mafias. Mais c'est connu. Tout le monde sait que chaque secteur et chaque parking est géré par des passeurs de telle ethnie ou telle nationalité. Et chaque ethnie doit essayer à tel endroit. C'est géré comme ça. Donc c'est des masses d'argent. C'est beaucoup, beaucoup d'argent en jeu. Et voilà, c'est la mafia. Faudachédite, min calac la les calais. Faudachédite, min calac la les calais. Faudachédite, min calac la les calais. Faudachédite, abas, abas, limassat, fait chenas, abas, abas. Limassat fetchenas anama faim limazal mashakil anama faim limazal mashakil anama faim limazal mashakil anama faim limazal. C'était Calais d'un mur l'autre. Mixage Alain Joubert, un documentaire pour LSD de Raphaël Kraft et Guillaume Baldi. Je ne comprends pas. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter dans la jungle, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vona Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, on s'installe à Palerme pour voir si c'est vraiment devenu une ville ouverte. Mais pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre. Abbas, les masades, fait chenas, Abbas, Abbas, et Mazar.